Versailles, Lisa et Beretta, El Jazz Familia. C'est maintenant un calibre, un couteau. Marseille, Vitrolles, Bert, pour tous les ghettos. Ok, ok, ok, fais tourner ça dans la zone. Romel soit à balle et il pleut des balles sur les ondes. Ghetto sudiste, frère, c'est la haine qui résonne. Avant qu'on perde la raison, on récupère le réseau, distribue la résine. Lyrical, seum, crime et délit. Des trottoirs de Marseille jusqu'à mes délits. J'entends sexe, violence et rap chez les bordéliques. On cherche la caille dans le rap pour faire nos mauvais délires. Et on donne tout ce qu'on a, on crache tout. Beretta, Lilsaï, Lilsaï et Beretta. Amitié véritable, frère, c'est la famille du crime. On a les crocs, on croit en Dieu. Avec son aide, on est inarrêtable. C'est pire qu'une vendetta. On s'organise, rabat la clientèle. On a le produit que se coûte, on organise. M'organiser, le rap brut que t'aimes, Zek. Nouvelle génération, on arrive bientôt comme le M5. J'rappe pour les sans visa, ceux qui ont besoin de réconfort et ceux dans l'amertume se lient sur les visas. Cette atmosphère est bizarre, en 005. Comprends qu'on va tout faire sauter avec du kérosène. C'est plein de zépéquignos qui flinguent dans les streets. Dealer El Niño, on vient de là où les lois sont strictes. Allume ton briquet. Ma tristesse est ma seule flamme, on a la foi, ton grimpe nous intriguer. Depuis ma naissance, rester honnête, digne et ferme, mais seule la maman mérite la reconnaissance. Faut qu'on perdure, on sait que c'est hyper dur, on sort, mais seulement Dieu quand trop de choses nous perturbe. Je te jure sur ma vie, j'aurai plus le même homme le jour où j'aurai ma fille. C'est pour les miens et ma ville. A la prochaine, car Belleg vous dit ciao. Solo voy comme Ipena, comme dit Manu ciao. On arrive en famille affamée, on parle du monde et son infamie. 007, ça sent le kérosène. Sortez les jerrycans. Lisa et Beretta, amitié véritable. Avec la foi on est inarrêtable. Famille affamée, on parle du monde et son infamie. 007, ça sent le kérosène. Sortez le jerrycan. Lisa et Beretta, amitié véritable. Avec la foi on est inarrêtable. Y'a comme ça l'odeur de pollen. Entre collègues, famille en colère. Y'a même des condés dans les collèges. C'est chaud mon frère, du mal à desserrer les molaires. Malheur à ceux qui se manquent, vu que dehors ça vire au polar. Enfant de l'échec scolaire, chacun défend sa part. Les minots charbonnent à balle pour se payer des maîtres collards et des vergès. L'état mafieux depuis le clergé. De l'autre côté de la part, tout ce bordel ça fait gamberger. Entendu par les RG, c'est pas pour ça qu'ils vont te venir en aide. C'est pas pour ça qu'ils vont t'héberger. Alors on compte que sur nous-mêmes, phénomène de la famille en guerre. On sait ce qu'on fait depuis la première scène. Et ça, passe-moi une flamme, faut que je te rallume. La misère j'allume dans les endroits insalubres. On voit rarement le salut, on salit les mains en l'air. C'est la famille qui te salue. J'écris avec mon sang, amorce ta bombe dans tes enceintes. Beretta, Lilsaï, dis ce que la rue nous enseigne. 005, perd les stanks Marseille. Entends le ça et d'autres diront que le temps harcèle. On pose à 4, c'est El Niño à la prod. On crache un rap sale, mais t'inquiète, on fait le boulot à la propre. J'ai été collé par la prof, condamné par la proc. Mais dans mes textes, dans ma tête, c'est toujours hala hala. Plate à boxe de fils d'ouvrier, ça permettra au boxe au fils de vriller. Les yeux se c'est le shaitan qui fait office de prier. T'empêchera pas le fils de prier. Le monde est fait de règles auxquelles on pourra pas se plier. En famille, voilà ce qu'on vit, ce qu'on fait, ce qu'on défend. N'espérez pas qu'on se défile, y'a que du très haut qu'on dépeint. Parce qu'ici on croit plus aux rêves, faut des choses concrètes. On vient parler au nom des crèves, les armes sont prêtes. On arrive en famille affamée, on parle du monde et son infamie. 007, ça sent le kérosène. Sortez les jerrycans, Lisa et Beretta, amitié véritable. Avec la foi on est inarrêtable. Famille affamée, on parle du monde et son infamie. 007, ça sent le kérosène. Sortez le jerrycan, Lilsa et Beretta, amitié véritable. Avec la foi on est inarrêtable. Famille affamée, on parle du monde et son infamie. 007, ça sent le kérosène. Sortez le jerrycan, Lilsa et Beretta, amitié véritable. Avec la foi on est inarrêtable. Famille affamée, on parle du monde et son infamie. 007, ça sent le kérosène. Sortez le jerrycan, Lilsa et Beretta, amitié véritable. Avec la foi on est inarrêtable.